change de cité. Prends ton slip blanc. Ah, pas celui qui est coloré, Eti. Change de lieu, change de vie. Change de temps, change d'envie.